faire un long discours. Il suffit à ce poème, au mystère de ton amour, les raisons de mes je t'aime, à la fièvre de tes lèvres, ton regard dans mon sillage m'apparaît dans mes rêves. Ton visage, comme un lieu quelque part où je viens me retrouver pour ne pas creuser l'écart depuis toi où je suis né, au pays de ton amour, une note au jour nouveau, à la lyre du troubadour, quelques mots, je conjugue mon message au désir de ma chanson, au secret de tes langages, mes silences profonds, au dessin de ton âme, mon esprit musicien, à la portée de la gamme, mon chemin, comme un lieu quelque part où je viens te retrouver pour ne pas creuser l'écart depuis toi où je suis né, au pays de ton amour. Une note au jour nouveau, à la lyre du troubadour, quelques mots, à la lyre du troubadour, quelques mots.